De nulle part. De nulle part. De nulle part. De nulle part. Cherche pas d'où provient ce son, ni d'où provient nos styles, ni d'où on vient, ni vers qui on vise ce missile. Mis à l'écart de toute comparaison, on nous qualifie d'être trop sombre. On nous reproche d'aborder des sujets aussi obscurs que l'ombre. N'écoute pas ou barre-toi si t'as peur du noir. C'est sur un son bâtard qu'on te fait perdre le nord. C'est pour les couches d'art, ceux qui ont plus peur des jetards. Et ceux qu'affrontent le noir enfermé au mitard. Tu veux savoir d'où provient le son? Il n'a aucun nom ni aucune histoire, aucun lien, ça provient d'aucun territoire. C'est de nulle part qu'est la provenance de ce son. En plein dans le mystère, plongé dans la confusion. T'es aveuglé par la fumée qu'annonce l'éruption. Dépourvu de code d'appartenance, on défend nos causes en restant tenace. De nulle part. Et le son, cherche pas d'où ça vient. Cherche pas d'où on vient, on change pas, on reste vrai. De nulle part. Et notre style, cherche pas à nous comparer. On restera hostile tant que la route nous sera parée. De nulle part. Et le son, cherche pas d'où ça vient. Cherche pas d'où on vient, on change pas, on reste vrai. De nulle part. Et notre style, cherche pas à nous comparer. On restera hostile, c'est la guerre qu'on vient déclarer. Tu reconnais le timbre de voix. Enfumé ou à jeun, blindé ou en chien, je te mets au parfum. On vient imposer notre empreinte. Style délinquant à la recherche d'un coup fumant. Un son de bâtard en guise d'avertissement. Un son de nulle part, toujours aussi traumatisant. L'effet discret, toujours pour mes têtes d'enterrement. Enfumé ou à jeun, blindé ou en chien, je te mets au parfum. C'est la guerre qu'on vient déclarer. Une bombe à retardement, prête à tout faire sauter. Ne cherche pas d'où on vient, préviens les autres. Le style sans père fort pour mes ondes de l'ombre. Toujours hardcore, on est venu en nombre. Un son de bâtard pour saturer les ondes. La foule grandit, c'est le chant des blocs. Ne cherche pas d'où on vient marquer l'époque. De nulle part. Et le son, cherche pas d'où ça vient. Cherche pas d'où on vient, on change pas, on reste vrai. De nulle part. Et notre style, cherche pas à nous comparer. On restera hostile tant que la route nous sera parée. De nulle part. Et le son, cherche pas d'où ça vient. Cherche pas d'où on vient, on change pas, on reste vrai. De nulle part. Et notre style, cherche pas à nous comparer. On restera hostile, c'est la guerre qu'on vient déclarer. Est-ce mieux, chaque MC veut être hostile. C'est pourtant quand je rappe ou quand j'écris, je garde mon propre style. On perd pas le fil, ça déçoit certains. Ne cherche pas d'où ça vient, ne cherche pas d'où ce son provient. Ça fait longtemps qu'on garde le style dans le circuit. Ça fait longtemps que sur le son nos rimes circulent. Notre optique c'est de faire bouillir les cervelles. Creuser les cœurs, ceux qui croient que nos vies sont belles. C'est pas le cas, je le confirme avec mes séquelles. Qui sont la cause que quand je rappe, j'ai du mal à m'exprimer. Que quand ma haine monte, j'ai du mal à me poser. Du mal à remonter cette pente qui veut me démonter. C'est le son qui te fait faire en fait ce que j'ai dit vrai. Dans le sang, dans le thème, voilà les faits. Et le son, cherche pas d'où ça vient. Cherche pas d'où on vient, on change pas, on reste vrai. De nulle part. Et notre style, cherche pas à nous comparer. On restera hostile tant que la route nous sera parée. De nulle part. Et le son, cherche pas d'où ça vient. Cherche pas d'où on vient, on change pas, on reste vrai. De nulle part. Et notre style, cherche pas à nous comparer. On restera hostile, c'est la guerre qu'on vient déclarer. De nulle part.